Ce matin, je me suis levé, et sans rien faire, j'ai trébuché, j'ai tendu mes mains pour me rattraper. Mais comme un crétin, je les ai foulés. Devant le frigo, je suis arrivé, je l'ai ouvert trop fort, sortirai le pied. En le percutant, le sang a giclé, ma rage dedans, elle s'est réveillée. Je fais le café, cafetière en tartrée, oranges pressées, elles sont toutes gâtées. Tartines grillées, voire carbonisées, dans le yaourt le lait a tourné. Les jours où rien ne va plus, une fois commencé, ne s'arrête plus. J'ai beau me débattre, me couper en quatre, j'ai rien fait pour qu'il m'en veuille, mais j'ai sur moi braqué le mauvais œil. Oui, les jours me colle au cul, j'ai beau me débattre, me couper en quatre, même si je reste dans mon fauteuil, j'ai un pied dans mon cercueil. Y'a plus d'eau chaude, je vais m'enrhumer, je m'accommode avec des fringues mouillées, je mets mes chaussures en cassant mes lacets, une chose est sûre, cette journée sera foirée. Je prends ma voiture, elle peut pas démarrer, sans une piqûre, un moustique m'a visé. Je vais prendre le bus, mais il est pas passé. Et puis en plus, l'orage a éclaté. Je prends le vélo, une heure est passée. Et au bureau, je me fais engueuler. C'est que je pue la sueur, secrétaire dégoûtée. Je suis en fureur, mon cou a foiré. Repas de midi, enfin un café. Avec 5 whisky, histoire d'oublier. Quand je vois le patron, je suis fin bourré. Me traite de con, et puis m'a viré, salaud. Les jours où rien ne va plus, une fois commencé, elle ne s'arrête plus. J'ai beau me débattre, me couper en quatre, j'ai rien fait pour qu'il m'en veuille, mais j'ai sur moi braqué le mauvais œil. Oui, les jours où rien ne va plus, vraiment me le colle au cul. J'ai beau me débattre, me couper en quatre, même si je reste dans mon fauteuil, j'ai un pied dans mon cercueil. Ma mère appelle son chat à clamser, elle me veut près d'elle pour la réconforter. Je lui raconte tout, elle se met à chialer. Ça me rend fou, je vais la flinguer. Je rentre chez moi, j'étais cambriolé. Je ne sais pas quoi, ils ne m'ont pas piqué. Tiens, mon chien, elle les a pas arrêtés. Mais vomit sur moi, comme pour me remercier. Le pistolet n'était pas chargé. Tenter de sauter, en fait j'ai plongé dans le grand lac où j'ai pas su me noyer. Je crois qu'on m'arnaque, je sais pas me suicider. Je prépare la corde, personne va m'arrêter. Mais miséricorde, cette conne a lâché. Je prends des médocs, je finis par germer. Mais je m'en moque, demain c'est une autre journée. Les jours où rien ne va plus, une fois commencé, s'arrête plus. J'ai beau me débattre, me couper en quatre, j'ai rien fait pour qu'il m'en veuille, mais j'ai sur moi braqué le mauvais œil. Oui, les jours où rien ne va plus, vraiment me